idéalisant. Y'a l'esquive du fils idéalisant. Un père en père, un feu d'artifice, de froideur, de peine, de haine, de colère. Quand le rideau tombe, laissant place aux vérités sombres, que le père sombre dans l'abîme de ses conneries, que le fils en rit, car il n'a plus de respect pour lui. Oui, il en a entendu, c'est être le boss dans la rue. Pour faire son vie tranquille à l'abri de ses types au long vue. Il vit dans ce monde comme s'il avait fait. Prends aux uns du même fait, mais où son père a mal fait, lui profitera des effets. Quelle éducation donner à son fils quand on est soi-même en proie à ces démons au fond d'une prison. Sancho, macho, obsédé par le zéyo qu'il veut pécho. En beau garçon, il rejoindra son père au cachot et reprendra le flambeau. Si papa est un alcoolo, si maman se pique, qu'elle est toxico. Si papa kiffe me taper sur le dos, c'est cher payé pour des êtres qui n'ont pas demandé à naître. Si mon cher papa courir en prison, si ma chère maman veille de son corps des dons. Mal quand je rentre à la maison, c'est cher payé pour des aides qui n'ont pas demandé à naître. Check one, tout sortir des cours, ne pas vouloir rentrer chez soi, soi-disant parce que la Tessie a besoin d'un mytho. C'est parce que c'est pertinemment que ce soir à la maison il y aura Paul Bernard où j'en fais des cauchemars la nuit. Une mise à mon bien-être me crée des soucis. Sourire semblait que avant les potes jouaient les b-boys. Savoir qu'elle déteste que j'appelle maman, je m'en disant que je m'en fiche. Je voudrais pas qu'elle m'affiche, que je me fâche puis qu'elle me fiche dehors. Oh, j'ignore encore qui est mon paternel, elle est formelle. Ce soir ne regarde qu'elle, peut-être bien qu'elle ne sait même pas qui je dois appeler papa parmi tous ces gars qui font le va et vient chez moi. Sache de faire en sorte que ma petite soeur sache, cache que maman nous aime même si elle le cache. Pour qu'elle s'y attache, mâche mes mots. Ma mère aime les jeux pervers, accumule les bavures auprès de ses enfants cloués au pied du mur en quête d'amour. Si papa est un alcoolo, si maman se pique, qu'elle est toxico. Si papa kiffe me taper sur le dos, c'est cher payé pour des êtres qui n'ont pas demandé à naître. Si mon cher papa courir en prison, si ma chère maman veille de son corps des dons. Si j'ai mal quand je rentre à la maison, c'est cher payé pour des êtres qui n'ont pas demandé à naître. Nuit idéale, après l'attaque, tic, 9 mois suivront le tir du flic. Flac, tic, tac, bébé, arrive du tac au tac. Chouchou, bon, jouet, pouponnet, ne talque les fesses de bébé. Avec plaisir, on était saupoudré. Clic, clac, Kodak, pas moyen de comeback. Si bébé avait su, il serait resté dans le sac. Quand la fièvre de l'or te bouffe, que je t'affacé pour le baffer. Sans comprendre, tu claques, tu le clates, que comme son état débordé. Tu pas les gosses, ne deviens pas gay. Ne dis pas ton poste, esquive tes gosses comme la peste. Ne t'attends pas, qu'il reste éternellement lâché comme du lestin. Cadeau aux pommes d'amour, plus de mobile home. T'as dit et moi, mon tamesti dans un home sweet. Home sweet, home sweet. Les mômes crédules ont espéré plus que des tuiles. On glissait dans l'huile, on est bien loin de la famille. Y'a leur cage qui brille. Si papa est un alcoolo, si maman se pique, qu'elle est toxico. Si papa kiffe ta main sur le dos, c'est cher payé pour des aides qui n'ont pas demandé à naître. Si mon cher papa courit en prison, si ma chère maman veille de son corps des dons. Si j'ai mal quand je rentre à la maison, c'est cher payé pour des aides qui n'ont pas demandé à naître. Si papa est un alcoolo, si maman se pique, qu'elle est toxico. Si papa kiffe me taper sur le dos, c'est cher payé pour des aides qui n'ont pas demandé à naître. Si mon cher papa courir en prison, si ma chère maman veille de son corps des dons. Si j'ai mal quand je rentre à la maison, c'est cher payé pour des aides qui n'ont pas demandé à naître.